tu vois la vie plus belle. Comme ça, tout le monde fait palapapiloupé. Oh, t'es beau là, palapapiloupé. Injection de Botox, your teeth are like some gloves. Confrérie de l'intox, your neck touch floor. Mise en œuvre de garcing mort, magic carpet on the floor. Mystery ou scalpel, rising hell. Avec des ailes, modèle mon univers, esquisse ma biosphère.